Are we ready? Passez une bonne soirée et bienvenue comme chaque dimanche soir, vous avez rendez-vous avec DJ KZ. Yes, est là. On est là. Encore plus en forme que d'habitude. Ouais, là ce soir je suis tout particulièrement en forme. Bouillantissime. Tout à l'heure on a eu un Planet Rap spécial avec Jules. C'est ça, j'ai écouté, ça a déchiré. Il t'a passé une grosse dédicace d'ailleurs. Ça fait plaisir. Donc c'est la sortie vendredi 4 décembre, c'est vrai qu'on l'a découvert aussi avec toi dans Rail Suprême il y a quelques temps de cela maintenant. C'est ça. Jules que tu suis toujours pareil. Bah oui, c'est un tueur, il a pas changé, il est au top. Et ben on salue Jules une fois de plus qui nous a ambiancé notre dimanche soir. Et là c'est parti pour une autre ambiance avec DJ KZ. Ah ouais, on va tout déchirer là. Et je rappelle aussi avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock, vous bombardez de messages, laissez des dédicaces. Tout à l'heure tu feras une petite session de dédicaces, KZ. Bien évidemment. On attaque la première partie. Allez, on y va. Allez, coup d'envoi, c'est parti pour ce Rail Suprême avec DJ KZ au platine. Salut tout le monde, c'est DJ KZ. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. On Mais qu'est-ce qui se passe hein? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace hein? Fais pas la tasse hein? Fais pas la tasse dans le classe hein? Alors Pépito, tu nous sors le couteau. Alors Pépito, tu fais le gros mais ton père roule en punto. Pour les vrais pas les boutos. Sans moi d'azonto. Je mets la vodka dans le pulco. Sushi pas souco. C'est ma chérie coco. J'ai envie de te croquer. J'ai pas changé mon poteau. Je traîne dans la zone ou au coquet. Odo. J'te charge en moto, j'te baisse ta femme à poule, se met des claques. Odo, Kodo, tu partages mes sons gros. Merci. Tu soutiens la famille. Merci. Tu fais les indules. Merci. Tu portes mes t-shirts. Merci. Alcool et gadi. Merci. Location de bouteilles. Merci. Chansons moi sont gratuites. Merci. Benjamin Mendé. Merci. J'attire les amis. Merci. J'attire les photos. Merci. Une affaire on s'ennuie. Merci. Il faut dire Dieu merci. Merci. Alors bambino. Merci. Tu veux rouler ton guidon. Merci. Passe pas là où t'as papier. Reprends ton biberon. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mac, j'ai pas de permis. Alors le soir j'esquive les panales. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mac, j'ai pas de permis. Alors le soir j'esquive les panales. J'esquive les panales. J'esquive les panales. Fais pas la tasse, fais pas la tasse dans le classe. Alors Pépito, donne le couteau. Alors Pépito, tu fais le gros mais ton père roule en couteau. Fais pas les couteaux. Dans moi y'a Zonto. Mets la vodka dans le couteau. Sushi pas sous coke. C'est ma chérie coco. J'ai envie de te croquer. J'ai pas changé mon proto. Je traîne dans la zone ou au coquet. Oh no, je te charge en moto. Je te baisse ta femme à poule, je te mets des claques. Merci. Tu soutiens la famille. Merci. Tu fais le signe du. Merci. Tu portes le t-shirt. Merci. Alcool et gadi. Merci. Location de bouteilles. Merci. Consommations sont gratuites. Merci. Benjamin Mendé. Merci. J'attire les ennuis. Merci. J'attire les photos. Merci. Rien à faire, on s'ennuie. Merci. Il faut dire de merci. Merci. Alors bambino. Bambino, tu veux rouler sans guidon. Mange pas là où t'as papier. Papier. Reprends ton biberon. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit. Alors le soir j'esquive les panneaux. Je vais même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es moi que j'ai pas de permis. Alors le soir j'esquive. fight, c'est que ça tape. Faut que ça tombe, dans moi, il faut que ça tombe. J'ai à quoi m'attendre, si je donne critique, il creuse, ça tombe. Pas de pacte avec Satan, ça joue avec mes nerfs, ça commence à m'atteindre. Je commence à peine, dehors c'est chaud, dedans c'est chacun sa peine. Robé des H, tu me fais la vie, je sais pas comment tu t'appelles. Dans point d'arrouvé, sur grand-père, je n'ai rien à prouver. Braquage, tu blip, qui ont tout fait. Les Schmitts sont sur eux, ils veulent les soulever. Parce que t'es une choroto. Le ramac, champagne, le ramac, vodka, le ramac, whisky, le ramac, coca, champagne, vodka, whisky, coca, champagne, vodka, whisky, coca, champagne, vodka, whisky, coca, champagne, Red Bull, vodka, champagne, whisky, coca, champagne, Red Bull, vodka, champagne, whisky, coca.

Marrakech ou Tanger, la beauté marocaine sait s'habiller. Personne ne peut l'intimider, elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer, elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Beauté marocaine, beauté marocaine. Oh, beauté marocaine, beauté marocaine. Tout bello naturel, bello naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Beauté marocaine. 15 de la vie. Elle veut mon 06. Elle a d'un vis le tournevis. Et tu vas pas me la faire à moi. Panamera Cayenne dans sa petite italienne. Graine de café aux coucheries hawaïennes. Je suis à Marseille, lunettes personne. Je fais mes affaires, besoin de personne. Demande à Bruce ta numéro 1 dans le ride game. Dans mes showcases que des bombes qui se ramènent. Je fais mes rallies, c'est des n'est pas la haine. Maroc, Algérie, Tunisie, c'est la merde. Je suis dans mon bolide. شهيد الحالة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تعلم لما بكي نشكي وأقول على شهيد الحالة بركاني العالي من اللي تحداني يغلب براني كثير عالم فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مرضى أنا بركاني العالي من اللي تحداني يغلب براني كثير عالم فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مرضى أنا بلادي قمرة شحالة أنا فرح أنا غني أنا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهوم بلادي قمرة شحالة أنا فرح وأنا غني أنا نطير كي الحمامة بلادي بلادي نقول حو النادي ما عنديش من غيرها أنا راس ولادي ما ننسى بلادي سهر ربي ونغمتها أنا بلادي بلادي نقول حو النادي ما عنديش من غيرها أنا J'ai 30 ans entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans sang comme dans sang, puis en sang. J'ajuste la transe en dansant, pensant au notre pays. Ici avant l'âge du pays, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on frappe à valer du rare. Les putains sont sternis, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je menace, pas après, je m'en irai. Vivant, on lipide, devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoirait l'histoire. C'est un pétard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, en transe. En France, pour les tirs là-bas, et se confier à Tarasli. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Hosni. Traumatisé. Faut que je la pète donc je vais pas trop teaser. J'y vais, je me calme, je vais pas trottiner. Je fais genre attitude mais à deux doigts de queener. Je fais tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes sont censurées. Monsieur calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent

méchant. Vas-y, viens. Vas-y, ose. Tu viens pas. Triple tonze. Attends. Tous ensemble, on danse au tempo. Match rapiche, oublie tes tempos. Vas-y, viens. Aloha, aloha. Vas-y, viens. Hache-toi, hache-toi. Pour mes blagues, mes plans, mes beurs. On va danser jusqu'à pas d'heure. Vas-y, viens. Aloha, aloha. Vas-y, viens. Hache-toi, hache-toi. C'est Rail Suprême avec DJ Case qui est là, déjà une première session. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'amuse, et y a, on n'est pas les seuls à s'amuser, ouais, visiblement. Il y a les aussi... messages qui défilent. Défilent. On va en citer quelques-uns. Il y a, bon, on fait kiffer les livreurs de pizza apparemment. Donc dédicace aux livreurs de pizza qui taffent en écoutant Rail Suprême. Aussi une dédicace à tous les lycéens et ceux qui sont en mode révision pour le bac blanc. Donc courage à eux. Et big up au lycée Gérard de Nerval à Luzarches. Luzarches, gros dédicace. Et il y a aussi tous ceux qui n'arrivent pas à dormir à cause de l'ambiance d'Oreille Suprême. Donc on est là pour ça en même temps. Et bah, ça va continuer surtout. Ouais, après de dormir. Ça archi la fête ici, qui disent dédicace aussi à tous mes collègues de l'hôpital de Laval dans le 53 et tous ceux qui taffent la nuit. Donc bon courage à eux. Est-ce que tu as des soirées case à nous annoncer là pour les semaines qui viennent? Yes, on va dire ça tout à l'heure. On les filera tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, parce que t'as pas le temps de les retrouver. j'étais pris un petit peu dépourvu. De cours. Bon, en tout cas, il y aura des soirées de prévues, case. Bien sûr. Je les ai. Le vendredi 4 décembre, déjà au mois de décembre, ça y est, c'est parti. Je suis au Purple Discothèque, c'est à Charleville-Mézières, et le 5 décembre, donc le lendemain, ça sera à Joigny et à la discothèque Le People. Donc on se retrouve là-bas début décembre. Et bah terrible, yes. Début décembre, c'est là, c'est cette semaine, hein, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est, et on est reparti aussi nous pour une nouvelle session avec DJ Case. Oui.

you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Thank you.

C'est déjà la fin de ce Rail Suprême une ambiance incroyable. C'est ça. Qui s'achève ce soir. Merci Case pour cette bonne soirée. Merci à vous. Skyrock Rail Suprême, on a passé un peu plus d'une heure à s'éclater. On s'est bien ambiancé. Mm-hmm. Et tu reviens dans une semaine. Bah ouais, je reviens dans une semaine. D'ici là, tu seras passé par Joigny, je crois. C'est ça, je reviendrai de Joigny. Ouais. Donc le samedi 4 décembre, je suis au Purple Discothèque à Charleville-Mézières. Mm-hmm. Et le 5 décembre à Joigny. Joigny, ouais, c'est ça. Voilà. Au People Discothèque. Au People Discothèque pour retrouver DJ Case. Yes. Et comme d'hab, on te suit sur les réseaux sociaux c'est aussi. C'est ça, sur la page fan Facebook, c'est DJ Case, DJ espace K-A-Y-Z, et Instagram, Twitter, Snapchat, DJ Case Paris. Voilà, vous êtes nombreux à suivre, ça fait plaisir. On a eu beaucoup de dédicaces ce soir. Ils sont de plus en plus nombreux, voilà. Donc faites tourner à vos amis, ceux qui faites leur découvrir cette émission qui donne culte. Beaucoup de culte. Cette émission culte. Très ensoleillée. Merci Case. Merci à vous. Allez, passez une bonne soirée, c'est reparti le son de Skyrock. Ciao. Tous les matins, le Père Noël devient animateur.